L'actualité à Nancy et ailleurs. Depuis 17 ans, la fête du fruit et de la nature, c'est un événement qui met en lumière les fruits régionaux, leur culture et la protection de l'environnement. Ça va se passer le dimanche 13 octobre à Chenicourt. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Karine Kos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de création service communication pour la communauté de communes Seille et Grand Couronné. 17 ans déjà. On peut revenir un peu aux origines de cet événement ? Alors en fait, c'est une opération programmée d'amélioration des vergers, une OPAV, qui avait été menée il y a 17 ans par les élus sur le territoire de Seille et Grand Couronné. Donc ça permettait aux particuliers et aux communes d'acquérir des arbres fruitiers à moindre coût. Les élus avaient fait le constat qu'avec les tempêtes et voilà, le changement de génération, les gens avaient des vergers ou en mauvais état ou pas du tout. Mmh. Donc voilà, la fête, elle était là. Avec l'idée de, une fois que les gens avaient replanté des arbres, de savoir quoi faire, comment les tailler, comment faire des greffes et quoi faire des fruits. 17 ans après, ces arbres ont bien grandi. Je suppose qu'il y en a encore d'autres qui ont été plantés depuis, mais c'est vrai qu'il faut les entretenir, il faut savoir s'en occuper. Donc ce rendez-vous permet d'en savoir plus sur ces techniques. Oui, c'est ça. La fête du fruit et de la nature, c'est vraiment pédagogique. Il y a beaucoup d'ateliers et d'animations pour les adultes et les enfants autour des fruits, des arbres et de la nature en général. Donc, il y a des ateliers taille, reconnaissance variétale, il y a de la vannerie, des nichoirs, enfin voilà, beaucoup d'activités. Plein d'événements aussi un peu festifs. Donc, il y a déjà les exposants, ils sont plus de 80 cette année, c'est ça ? Oui, alors là, on en est plus vers 90-95. Ah oui, donc c'est vraiment une réussite, cette opération. Oui, complètement. Et puis c'est vrai qu'on a un comité technique, un collectif qui s'occupe de la fête. Donc il y a des élus, des habitants, des agents, où vraiment on a une charte éthique. On choisit vraiment des exposants pour leur envie de partage et qui ont vraiment une démarche écologique et naturelle. Plus de 10 000 visiteurs attendus chaque année. Oui, en 2022, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Puis il y a aussi bien d'autres animations, des animations musicales. Comment ça va se passer sur place ? L'entrée est gratuite, toutes les activités sont gratuites. Donc effectivement, il y a des animations. Donc on a un artiste cette année, Mourad Frik, qui sera là avec son bazar des mots. C'est une épicerie poétique avec ses conteurs. Il y a Maxime Masson qui avait participé au meilleur pâtissier sur M6, qui était finaliste et qui revient cette année pour faire un atelier autour de la création gourmande en mode zéro déchet, donc des ateliers culinaires. On a l'école de musique intercommunale qui sera là toute la journée pour voilà, ponctuer la fête de moments musicaux. On aura de la lecture aussi poétique et on a là, une chorale, les gloutons. Donc c'est une chorale apéritif de rue, comme ils se définissent, et voilà, qui vont proposer un concert en fin de journée pour clôturer la fête. Ça, c'est le dimanche 13 octobre, mais pour la deuxième année consécutive, vous organisez un programme hors les murs avec beaucoup d'événements, et notamment ça commence le 7 octobre avec une distribution de compost, bien sûr. Il y a d'autres rendez-vous comme ça qui sont programmés. Oui, en fait, oui, pour la deuxième année, on s'est dit que c'était bien en amont de la manifestation, vraiment toujours dans cette démarche, pédagogique, que les habitants et que les visiteurs soient voilà, déjà associés la semaine. Donc effectivement, il y a une distribution de compost. On peut avoir rendez-vous aussi au Repair Café, venir avec ses appareils électroménagers à réparer, puis voir voilà, rencontrer les bénévoles qui sont passionnés. Il y a des ateliers de protection des plantes de terrasse pour l'hiver. Il y a des portes ouvertes dans les amables du territoire. Il y a une balade autour de l'eau et de la biodiversité. Il y a pour les enfants, découvrir les soins aux animaux avec la compagnie des ânes à Eulemont. Mmh. Il y a un atelier cuisine le samedi. Voilà, il y a un jeu concours sur la reconnaissance des végétaux avec Décor et Jardin, notre partenaire qui embellit la manifestation et qui est installé à Champenoux. Donc voilà, tout un programme la semaine avant la fête du fruit. Et la fête du fruit, là, ce sera vraiment le point d'orgue. Le dimanche 13 octobre, vous l'avez dit, c'est gratuit. Ça commence à quelle heure, la fête du fruit ? On commence à 10h et on finit à 18h. Et bien sûr, on peut passer la journée complète le 13 octobre à Chenicourt. J'imagine qu'on pourra bien se restaurer sur place. Ah oui, là, c'est entre les producteurs locaux, donc d'escargots, de charcuterie. On a également des food trucks. En fait, on aura 3 food trucks qui seront là le 13 octobre avec les fermiers d'ici qui travaillent donc des burgers, tout en produits locaux et bio. On a un autre food truck italien. Donc là, ce sera avec des lasagnes, des panini, des pizzas qui sont préparés à Sainte-Geneviève, et on est content. On a le food truck du chef étoilé de la Maison dans le Parc, Charles Coulombeau, qui sera aussi là avec son food truck Izakaya, donc autour de la cuisine traditionnelle et aux inspirations japonaises. Donc oui, on pourra effectivement bien manger le dimanche 13 octobre. L'argument supplémentaire qu'il ne fallait surtout pas manquer. Merci beaucoup. Et si on veut retrouver un peu tout le programme, notamment de la programmation hors les murs, comment fait-on ? Alors, il suffit de se rendre sur le site de la communauté de communes, donc c'est www.comcom-sgc.fr. Là, il y aura tout le programme, des ateliers, du programme en les murs, et aussi découvrir tous les exposants. Merci beaucoup, Karen Kos. Eh ben, rien, merci beaucoup à Radio Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.